Penchée sur le planning des gardes de la dernière semaine de décembre, Nadine inscrivit Pascal pour la nuit du 31. « Bonne année » railla-t-elle à voix haute. En principe, elle ne s'occupait pas de l'emploi du temps des médecins, se bornant à le superviser, comme tout ce qui touchait de près ou de loin à son service. Elle signa le document avant d'appeler sa secrétaire par l'interphone. La période des fêtes de fin d'année l'irritait au plus haut point, avec ses jours fériés et les têtes de déterrés de tous ceux qui auraient abusé du champagne. 10 minutes plus tôt, elle avait parfaitement entendu la sonnerie d'alarme déclenchée par un appareil de surveillance d'un des malades et toute l'agitation qui s'était ensuivie. Mais là encore, il ne lui incombait pas de s'en mêler. Il y avait suffisamment de médecins dans son service pour le faire, avec des équipes parfaitement rodées à traiter les urgences. Devant elle, un bloc-notes ouvert attendait qu'elle poursuive la rédaction d'un article destiné à une très sérieuse revue médicale. Comme tous les patrons, elle devait publier et enseigner afin de justifier ce titre de professeur qu'elle avait si ardemment désiré. Un coup discret frappé à sa porte précéda l'entrée de sa secrétaire, qui déposa un gobelet de café fumant sur le coin du bureau. Nadine lui remit des documents et la congédia d'un geste. « Monsieur Benjamin Montag est dans la salle d'attente, madame. » Saisie, Nadine resta muette une seconde. Puis elle se leva d'un bond et sortit dans le couloir. Elle vérifia d'abord qu'il n'y avait personne en vue. Ensuite, elle alla chercher son frère qu'elle ramena en vitesse jusqu'à son bureau. « Qu'est-ce qui te prend de venir ici ?»« Rien de spécial, » se défendit-il, sans doute surpris par son accueil. « Je voulais juste te dire au revoir, je pars en voyage. »« Encore ? Tu es toujours en voyage. »« Oui, mon horizon ne s'arrête pas au mur de Toulouse, » ricana-t-il. « Où vas-tu cette fois ?»« En Tanzanie, passer Noël avec des amis. » À l'entendre, Benjamin possédait d'innombrables relations dans le monde entier. Après tout, pourquoi pas ? De toute façon, le goût de l'exotisme n'entrait pas dans l'univers de Nadine. « Joyeux Noël, alors » fit-elle d'un ton rogue. Elle souhaitait qu'il s'en aille le plus discrètement possible, de préférence sans rencontrer Pascal Fontanelle. « Tiens, mon cadeau pour toi, » dit-il en posant un petit paquet sur le bloc-notes. Déconcertée, elle contempla le papier argenté et le ruban doré. « Pour moi ? Je te remercie, mais... » Mais elle n'avait évidemment rien prévu pour lui. De temps à autre, elle allait dîner chez son autre frère, Emmanuel, ingénieur en aéronautique retraité, avec qui elle entretenait de vagues relations familiales. À son intention, et puisqu'elle devait réveillonner chez lui, elle avait acheté quelques babioles. « Ouvre-le, » suggéra Benjamin. Surmontant sa gêne, Nadine défit le paquet, qui contenait un écrin de velours. En découvrant le bracelet de perles, elle resta muette de stupeur. Le nom du joaillier ne permettait pas le doute. Il s'agissait de vraies perles, pas de toc. « Tu es devenu fou ?» Ces 10 dernières années, elle avait dû voir Benjamin 3 ou 4 fois, toujours en coup de vent et sans réelle affection. « Il n'y a aucune raison, » décréta-t-elle. D'un geste sec, elle referma l'écrin, le poussa vers son frère. « Garde-le pour l'une de tes conquêtes, » essaya-t-elle de plaisanter. « À mon âge, tu sais. » « Non, Nadine, prends-le. Je te jure que ça me fait plaisir. »« Mais pourquoi, grand Dieu ?» Il la dévisagea longuement avant de hausser les épaules. « Franchement, je l'ignore. Une impulsion. Je n'ai guère de contact avec Emmanuel qui m'emmerde. Et au fond, pas davantage avec toi. Notre famille est non seulement restreinte, mais carrément usée, sur sa fin. Avec 4 enfants, les parents pouvaient espérer une autre pérennité. Pourtant, c'est le cul-de-sac. » Avec un haut-le-corps, Nadine recula sa chaise. « 4 ? Eh bien oui, Camille a existé, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi fallait-il qu'il en parle ? Elle sentit que le moment d'attendrissement qui aurait pu avoir lieu était de nouveau impossible. « C'est bien ça le malheur, » siffla-t-elle. « Tout aurait été si différent sans elle. » Benjamin se leva, reboutonna son pardessus. « Je ne veux pas rater mon avion, » déclara-t-il posément. Passe tout de même le bonjour à Emmanuel de ma part. » Il rouvrit l'écrin, prit délicatement le bracelet et d'autorité le mit autour du poignet de Nadine. « Juste un petit souvenir, sois gentille. Je ne saurais pas quoi en faire, » dit-il en bouclant le fermoir. Figée, elle n'eut aucune réaction lorsqu'il franchit la porte du bureau. 5 minutes plus tard, sa secrétaire revint, chargée d'une liasse de documents administratifs. Nadine la vit jeter un regard intrigué à l'écrin, au papier froissé. Une bouffée de fureur la submergea dès qu'elle comprit que l'histoire allait faire le tour du service.